Tu nous as rejettes, disperses. Ta colère s'élève sur nous. La terre a tremblé sous ta main. Tu as ouvert ses brèches sous nos pas. Relève-nous, Seigneur, guéris nos blessures. Car tout vacille et chancelle sans toi. Tu as montré à ton peuple des jours d'épreuve. Tu nous as fait boire le vin de l'étourdissement. Bannière pour ceux qui te craignent, afin qu'ils fuient l'art et le mensonge, afin que tes bien-être soient des livres, sauve par ta droite, réponds-nous des cieux. Je triompherai, je partagerai le pays. À moi Galate, à moi Manasse, Éphraim est le casque de ma tête, Juda est mon sceptre royal. C'est lui qui écrasera nos ennemis.